Wesley, 7 orbits. Roger. Understand, go for at least 7 orbits. Champion, les îles, perfides et plus subtils, dissimulent leur profil. Léon, parqué en bataillon dans ta télévision. Les îles, penseurs invisibles, manipulant les fils. Que le dernier on finisse par mourir sans raison.